Certains disent que ce qui se cache derrière la pandémie, c'est une préparation pour le contact avec une civilisation intelligente avancée. Ouais, ce que d'autres appellent des démons, là. C'est pour ça que c'est à faire attention, là. Qu'est-ce qu'il dit, là, de... On s'en va vers une fin de cycle. Qu'est-ce qu'il dit de « à la fin des temps » Hein? Ce qui fut à la fin du cycle d'avant sera. Puis, qu'est-ce que c'était supposément à la fin du cycle d'avant? Que l'être humain sur Terre avait atteint un niveau de méchanceté qui mettait même en danger sa propre civilisation, au sens où même la civilisation n'était que méchanceté. Dans le sens... Par quoi on s'en va? Qu'est-ce qu'il dit sur ce qu'on appelle, entre guillemets, des divinités du passé? Est-ce que ce sont des êtres dominateurs ou... C'est parce que là, si on se met à se dire que si on est mis en préparation pour rencontrer une civilisation avancée, on est déjà à genoux, là. On est déjà à genoux à plat ventre. C'est très, très dangereux comme position. Très, très dangereux. Donc, moi, j'ai pas confiance. Pas deux secondes. Si les subordonnés de cette civilisation extrêmement avancée-là, c'est nos gouvernements, de la façon dont ils agissent, regardez comment fonctionnent les domestiques et les serviteurs de cette race extrêmement avancée. Puis vous allez me faire croire que les maîtres ont de l'allure. On est préparé ils sont en train de nous lubrifier l'arrière-train. Vous êtes en train de me dire qu'on est préparé à vivre quelque chose avec une civilisation avancée. On est en train de se faire conditionner à être le plus passif et obéissant possible. Vous allez me faire croire que c'est parce qu'on nous prépare à un contact avec quelque chose de merveilleux. J'en suis pas si sûr. Moi, c'est pas à ça que je m'attends. Et c'est pas ça que je me prépare. Hein? Donc, bon. En tout cas.